tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Hier, à la même heure, grâce à certaines archives de l'année 1967, nous avons enfin compris la jeunesse de l'année 1968. Une jeunesse qui, alors, étudiait, travaillait, militait et aspirait à consommer. Et ce, dès le plus jeune âge, bien avant l'âge de raison. La raison. Quelques mois plus tard, raisonnant autrement, cette jeunesse défilerait et contesterait beaucoup de choses, entre autres la société de consommation. En attendant, c'est à la jeunesse délinquante que s'intéressaient Jean Debert et Francis Crémieux en recevant dans Le Monde contemporain le père Jaouen. Délinquance juvénile, jeunesse délinquante, cette année-là aussi, on notait des changements. Depuis quelques années, la délinquance s'embourgeoise. Le nombre de délinquants augmente peut-être parce que, précisément, un garçon qui emprunte une voiture, qui emprunte une mobilette, qui fait un petit délit est considéré comme un délinquant. Mais la vraie délinquance qu'on avait du temps, par exemple, de l'époque des blousons noirs, disons, enfin c'était une époque, puisque c'est passé, et elle est beaucoup moins agressive actuellement. Ils sont très embourgeoisés. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une espèce de développement? Moi, je tiens beaucoup à mon idée, d'autant plus qu'elle n'est pas à moi et qu'elle est à vous, mon père, à un développement de l'esprit répressif. Il y a une maladie de réprimer tout le temps, fortement, à tour de bras, sans réfléchir, et de mettre dans le même panier ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, ce qui est passager, ce qui n'est pas passager. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'augmentation de la délinquance juvénile, un phénomène? Est-ce que ce n'est pas les répresseurs, plus que les réprimés, qui augmentent? Si, puis je vous dirais que c'est toujours difficile d'attaquer les gens qui ne peuvent pas se défendre, parce qu'ils ne sont pas là. Mais pour être très franc, pour être pas la peine de se raconter des histoires, mais je ne suis payé d'aucun côté, ça tient en partie, vous voyez, à ce que pendant une période, nous avons eu un garde des Sceaux très répressif. Et ça se répercute dans les étages du dessous. Qui c'était ce garde des Sceaux répressif? Oh mon Dieu, tout le monde, personne ne le cache. Comment, peu importe. Personne ne le cache, c'était M. Fouillet, il le sait bien, il ne le cache pas, il était répressif. Bon. M. Michelet, au contraire, n'est pas un homme répressif. Parce qu'il a été en prison, il sait ce que c'est. Et il est certain que pendant la période où nous avions un haut fonctionnaire, enfin un ministre répressif, aux échelons inférieurs, on était répressif. Vous pouviez lire dans la presse ces derniers temps un article d'un magistrat disant par exemple que la détention préventive devrait être une exception, oui. Mais j'allais vous en parler justement de ça, parce que c'est pas à propos d'instinct répressif, juste voulais vous dire, mon père, à propos de cet article, c'est que il se dit pas seulement que c'était l'exception, il dit que jamais la loi ne fait obligation à un magistrat de mettre quelqu'un en prison. Ce qui se traduit, pour parler clair et pour faire du mauvais esprit, parce que nous faisons quelquefois du mauvais esprit, Francis Crémieux et moi, nous ne le cachons pas, ça veut dire que si on a la maladie de mettre les gens en taule, c'est une maladie dont il faut accuser les juges d'instruction et pas la loi et pas les ministres, même les gardes des Sceaux. En réalité, parce que ça ne remonte pas ni à tel ou tel garde des Sceaux, ça fait des décennies, sinon des demi-siècles, que la maladie, la manie de mettre les gens en prison préventive avant même de savoir s'ils sont coupables, sans se préoccuper s'ils sont vraiment coupables ou pas, est une maladie qui remonte très loin. Mais ça remonte à l'hitlérisme, c'est les conséquences de l'hitlérisme. Mais pas du tout, c'est bien antérieur à ça. L'habeas corpus, qui est tellement traditionnel en Angleterre, et il y a très longtemps qu'il n'est plus traditionnel en France, alors qu'il devrait l'être, et que la loi le permet, et on ne peut pas dire, et c'est là où l'article de Casamayor est important, on ne peut pas dire que ce soit des circulaires, que ce soit une volonté du législateur, que ce soit une intention du gouvernement, c'est une mentalité. C'est pas seulement une mentalité, je vous dirais que je peux... C'est le père Jaouen qui parle, le père Jaouen qui est un ancien aumônier des mineurs à prison de Fresnes, je le dis pour les auditeurs qui ont montent en marche. En fait, tous les gosses qui sont à la prison de Fresnes, tous les enfants, tous les mineurs qui sont à la prison de Fresnes sont tous pratiquement en prévention. C'est peut-être pas très normal, mais ils sont tous en prévention. Mais c'est pas normal du tout. Parce que les mineurs, dans l'ensemble, après avoir passé par le tribunal d'enfants, sont confiés à des administrations. Mais ils font tous un stage en prévention. Pas tous, bien sûr, il y a ceux qui vont à Savigny ou ailleurs. Mais un gros nombre, et en province, une grosse quantité de gosses actuellement, sont en prévention dans les prisons de France. Et il faut vous dire qu'un juge d'instruction, il faut se mettre dans la peau du juge d'instruction. Un juge d'instruction, qui a une affaire de gosse entre, qui lui arrive. S'il laisse les gosses en liberté, il prend un risque. S'il les met en tôle, il ne prend aucun risque, il n'aura pas d'ennui. Non, mais c'est l'enfant. Et c'est ça qui est grave. Oui. Ah oui, mais c'est ça qui est grave. Et je connais personnellement tel ou tel magistrat à Paris qui en a fait les frais. Bon, alors, il y a le pourrissement des enfants en prison, mais enfin, remontons un peu avant. Est-ce que vous croyez que la société, l'adulte, parce qu'il n'y a pas... Il y a une approbation de la part des adultes. Il y a une peur de la jeunesse chez les adultes. À l'échelon familial, d'abord, il y a une rupture, un fossé entre l'adulte et le jeune. Alors, est-ce qu'au fond, le juge d'instruction et la société en général ne peuvent pas se permettre cela parce qu'ils ont un consensus général? Regardez, après l'affaire épouvantable il y a quelques jours de l'assassinat de ce petit garçon par un jeune homme de 15 ans, l'opinion publique, elle est tout à fait déphasée par rapport à l'assassin. Oui, mais justement, le propre du magistrat, c'est de ne pas se laisser impressionner, tout au moins théoriquement, par l'opinion publique. Il doit être maître de la situation, si vous voulez, maître de lui-même. Il ne devrait pas se laisser impressionner par l'opinion publique. Il doit être au-dessus de l'opinion publique. Bon. Mais, par ailleurs, il est certain que les adultes, actuellement... réagissent à l'occasion même comme des gosses. Personnellement, je suis convaincu que si on en veut à ce pauvre gosse, c'est parce que l'enfance est toujours le miroir des adultes. L'enfant reproduit, reflète l'adulte. Et les adultes se voient là dans un miroir, ça leur plaît pas, et ils cassent le miroir pour ne pas se voir comme ça. Extrait du Monde contemporain par Jean Debert et Francis Crémieux, La délinquance juvénile, avec le père Jaouen, première diffusion sur France Culture le 16 décembre 1967. Le même mois de cette année, ce sont les adultes dont on scrutait les us et coutumes dans l'émission Les Quatre Vérités. Sociologie, pamphlets, romans, tout était bon pour étudier une partie de la société française. Or, la classe ouvrière, que l'on nous annonçait déjà en voie de disparition. Alors, les choses après Pérec ou les frustrés de Bretéché avant l'heure, les quatre vérités, première diffusion sur France Culture le 2 décembre 1967. Les quatre vérités de Gilbert Gann. Avec aujourd'hui, Raymond Lassiera, Jean Plimienne, Walter Lévineau. Il est paru tout récemment deux livres dont on a déjà beaucoup parlé. D'un côté, un roman de Walter Lévineau intitulé « L'éclat et la blancheur » chez Albin Michel. Et d'autre part, un pamphlet de Jean Plumienne et Raymond Lassiera, « Le complexe de gauche » paru chez Flammarion. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dès l'abord, ces deux livres se rejoignent par beaucoup de côtés. D'abord, c'est une mise en accusation des ridicules de notre époque. Mais auparavant, je voudrais demander à chacun des auteurs une explication à propos de leur titre. D'abord, Walter Lévineau. Pourquoi « L'éclat et la blancheur » ? Oh bien, « L'éclat et la blancheur » parce que il y a l'éclat d'une marque de lessive et il y a la blancheur d'une autre marque de lessive. Puis il y a aussi eu, et c'est là où nous rejoignons le complexe de gauche, le cuit et le cru, l'être et le néant, les mots et les choses. En fait, je voulais appeler mon livre, qui est une satire de la société si on veut, et surtout par les biais de la publicité, je voulais l'appeler la lumineuse fraîcheur du teint scandinave, qui est le symbole de, comment dire, de ce que vous promet de merveilleux et d'inaccessible la publicité. Mais la maison propriétaire du slogan, par le biais d'une crème à 3 francs, a refusé que j'utilise son slogan. Oui, vous êtes rattrapé en le mettant en épigraphe. Ah, voilà. Maintenant, je vais demander à Raymond Lassiera, qui représente en réalité un tandem, puisqu'ils sont deux à avoir écrit Le complexe de gauche. Raymond Lassiera et Jean Plumienne s'entendent si parfaitement et travaillent en si étroite collaboration qu'il suffisait en effet que Raymond Lassiera se présente à ce micro. Alors, vous, le complexe de gauche, Raymond Lassiera? Eh bien, le mot complexe vient juste d'entrer dans le dictionnaire de l'Académie française. Ils se sont aperçus ces temps-ci de l'existence du mot. Et ma foi, l'article qu'il lui consacre est assez intéressant. On voit que complexe a plusieurs sens, n'est-ce pas? On parle par exemple d'un complexe sidérurgique, on parle d'un complexe au sens psychanalytique, qui est sans doute le sens le plus connu à l'époque, aujourd'hui. Bref, c'est un mot riche de sens qui implique toujours un ensemble, si vous voulez, une espèce de structure, une totalité, un groupe comme ça de notions, d'images. Et il nous a semblé que la gauche aujourd'hui se définissait très bien par le mot complexe, n'est-ce pas ? La gauche forme une totalité politique, psychologique, gastronomique, vestimentaire. Bien, je disais, messieurs, que vos livres avaient beaucoup de points communs, et je voudrais dire un mot tout d'abord de sa facture. Ils comprennent tous deux beaucoup de phrases qui sont toutes faites, si je puis dire, puisque d'une part, elles existent dans les formules publicitaires dont vous parliez, Walter Levinot, et d'autre part, dans certains écrits des penseurs de gauche comme Jean-Paul Sartre ou de certains journaux. Oui. En ce qui nous concerne, nous avons un peu procédé par collage, un petit peu à la Godard, si vous voulez, n'est-ce pas ? Pendant plusieurs mois, pendant un an, nous avons porté une attention systématique à tout ce qui était de gauche. Je me suis abonné à l'Observateur, nous avons, comment dirais-je, fréquenté des réunions de gauche, nous avons cultivé nos amis de gauche, nous avons été invités chez eux, nous les avons invités chez nous. Rien de ce qui était gaucher ne nous était étranger. Oui, parce qu'il y a toute une sorte de rite, alors toute une série de rites qu'il faut observer. Ah, c'est une religion particulière. Oui, mais vous me dites là, vous avez l'air de vous être intéressé subitement à la gauche. En réalité, non, parce que vous aviez une formation politique aussi qui était très nettement orientée. Bien entendu, bien entendu. Ce qui était subi, si vous voulez, c'était l'intention d'écrire un livre. Oui. La gauche, nous la connaissions depuis longtemps. Je rappelle que la Sierra et moi avons été communistes pendant de nombreuses années, voici maintenant assez longtemps. Je précise d'ailleurs au passage que la gauche et le communisme sont deux choses distinctes et que quelque chose de notre colère communiste d'autrefois à l'égard de la petite gauche bourgeoise transparaît et se maintient dans ce complexe de gauche. Je voudrais dire quelque chose. J'ai lu avec plaisir et attention votre livre. Il me semble que ce livre peut plaire à des communistes. C'est possible. Qu'il peut plaire bien sûr à des bourgeois. Mais que finalement, et je parle en connaissance de cause, ayant travaillé en ancien observateur pendant 2 ans, qu'il ne peut plaire qu'aux gens de gauche intelligents. Oui, alors je dois dire, alors pour vous mettre d'accord, du moins je l'espère, que vos deux livres de toute façon ne plairont qu'aux lecteurs intelligents. Et je m'explique d'abord parce que c'est plein de finesse et c'est aussi plein d'humour. Walter Levinot, notamment, vous avez un humour extrêmement mordant et surtout, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas l'air d'y toucher, comme on dit. C'est-à-dire que vous entrez tranquillement dans le sujet et même quelquefois en employant les mots des autres pour les retourner contre eux. Alors c'est une critique absolument implacable justement à cause de la façon dont elle est conduite. Et votre critique s'exerce, je dois dire en gros, sur la société actuelle, c'est-à-dire sur la société de consommation. Et vous n'en venez pas, mais vous y vivez. Oui, j'y vais. Mais enfin, si je peux parler un peu de mon livre maintenant, je veux dire que moi, je me suis attaqué au français avec un grand S. Non pas dans ce qu'il a de chauvin, ce qui ne m'intéresse pas. Je ne pense plus que le français soit maintenant chauvin. Les problèmes se voyagent trop maintenant pour être chauvin. Mais j'ai voulu en quelque sorte décrire un couple, décrire ce qu'est un français, comment se comporte un français, d'après tous les textes qui sont consacrés au comportement du français. Ce sont des textes publicitaires, mais ce sont des textes de vulgarisation. Je pense, si vous voulez, que si un archéologue revenait après un grand cataclysme sur Terre dans 5000 ans et voulait savoir comment nous avons vécu, je ne pense pas qu'il le saurait par les films, ni qu'il le saurait par les romans. Il dirait « Automobile, qu'est-ce que c'est ?» et il prendrait tous les livres traitant l'automobile, et y compris à la bibliothèque de chez Renault, de chez Citroën. Oui. Et j'ai donc repris tous les documents consacrés à notre époque, si on veut, en les appliquant à un couple. Il paraît que c'est drôle, que ça devient délirant. Je n'y suis personnellement pour rien. Je veux dire, je n'ai pas pris parti. Je suis moins méchant que M. Plumiel et M. Lassira, je pense. Oui, on y trouve évidemment chez vous des petites annonces. On trouve aussi des publicités, enfin, pour les choses bien merveilleuses. L'appartement, je regrette, en 1967, l'appartement se traduit pour un français moyen par une petite annonce. Quel est le français moyen qui n'a pas épluché 150 000 petites annonces ? J'ai donc employé une petite annonce. Il paraît que c'est drôle, je veux bien, mais c'est un fait, c'est du réalisme. Je dois dire que tout y passe, n'est-ce pas ? Tous les procédés, enfin tous les mythes de l'époque actuelle. Tous les automatismes. Oui. Et je crois que c'est là où nous nous rejoignons. Il y a, dans le comportement, que ce soit du français, le comportement de la femme, le comportement de la mère, le comportement du gaulliste, le comportement du communiste, des automatismes. Des automatismes qui lui sont dictés non pas par son tempérament profond, mais par des, on ne sait pas trop quoi, des communautés d'action, par des mouvements généraux, par la publicité, par de grands écrivains, par Dieu sait. Et puis aussi, c'est ce que j'ai voulu dénoncer, beaucoup plus. les automatismes. Et puis aussi par une évolution naturelle, peut-être, des connaissances de la science. Je pense notamment au planning familial, où vous donnez toute précision, n'est-ce pas, sur l'utilisation de certains procédés. Il faut avouer que si on avait voulu dégoûter les femmes d'employer certains moyens anticonceptionnels, on ne pouvait pas mieux faire qu'en rédigeant les brochures qui ont été faites par le planning familial. Et je pense le prouver. Car j'ai transformé un texte entier du planning familial où on dit « vous faites ceci, faites cela », où j'ai dit « elle fait ceci, elle fait cela ». Si les gens ne s'écroulent pas par terre en lisant ça, c'est vraiment ils ont un tempérament sexuel que rien n'arrête. Alors c'est une satire absolument terrible, n'est-ce pas? Et justement, elle porte d'autant plus qu'elle ridiculise complètement, n'est-ce pas, les gens qui utilisent ces clichés. Et je ne veux pas nommer le doctoresse, précisément. Ah, mais oui, mais en fait, c'est ce qui est terrible. Ce que je voulais critiquer moi-même, ça n'est pas les moyens anticonceptionnels, loin de là. Mais c'est toute la prose, tout le côté religieux qui entoure cela. Je crois que c'est votre problème aussi, un peu. Oui, d'ailleurs, ce genre de dénonciation avait été un peu amorcé. Enfin, il était moins virulent, mais on le voyait déjà dans les choses de Georges Perec. Oui, c'est vrai. Mais au fond, ce que vous traduisez l'un et l'autre, c'est un peu le drame du conditionnement. Non, moi je dois dire que je suis quand même le partisan sans réserve de l'automobile, de l'autoroute, de la télévision en couleur, du frigidaire avec freezer au-dessus, du vinylia adhésif. Et la gauche ne serait qu'un aspect de ce confort, en somme. Pas exactement, je crois que la gauche, en principe, en jouit de ce confort, mais en même temps, éprouve une sorte de mauvaise conscience et s'acharne à dénoncer ça. Comme si c'était une aliénation, c'est-à-dire ce mot aliénation qui revient toujours à gauche, n'est-ce pas? Alors, l'homme de gauche, de base, a une salle de bain comme tout le monde, mais en même temps, il dénonce la salle de bain comme aliénation, n'est-ce pas? Non, oui, c'est-à-dire que moi, je suis, bien qu'en abusant pas pour la salle de bain, bien sûr, mais je suis absolument contre ce que la salle de bain, ce que la salle de bain représente pour un Français moyen. Mmh. Je suis absolument contre toute la littérature qui entoure la salle de bain. Mmh. Je suis absolument contre le fait que si quelqu'un veut être dans le vent est obligé de changer sa salle de bain tous les 3 ans ou tous les 2 ans parce qu'il est démodé. Mmh. Je suis contre la surconsommation. Mmh. Si vous voulez, ce sont des exemples que j'ai pas pris dans mon livre. Oui. Je pense que dans l'état actuel de la science, on pourrait avoir une montre parfaite pour 10 000 francs. Alors vous avez qu'à voir depuis 4 ans comment les marchands de montres, pour des raisons qui me dépassent, se sont ingéniés à changer les formes de montres dans tout ce que ça a d'extérieur. Le problème montre n'existe plus, le problème heure n'existe plus. Il s'agit simplement de la voir ovale, de la voir grosse, de la voir petite, de la voir avec une loupe. Enfin, tout ça, c'est contre cela. Mais comment voulez-vous vendre des montres si elles marchent pendant 10 ans et si elles ont la même forme? Ça me semblerait parfait, moi. Mais alors vous êtes en contradiction tout à fait avec l'évolution économique. L'évolution économique et capitaliste, et je m'étonne que M. Plumienne, qui me dit avoir un passé de marxiste, ne soit pas de mon avis à ce sujet. Passé dépassé, hein, mais enfin que je ne renie pas et qui subsiste dans certains de ses aspects. Moi, vous voyez, dans ces phénomènes que vous dénoncez, j'ai tendance à y voir, je reprends une phrase de Lénine, une sorte de maladie infantile des sociétés industrielles. Mmh. Il me semble que si les Français sont à ce point fanatiques, n'est-ce pas, de leur automobile ou de leur montre hexagonale ou autre, hexagonale sans doute de préférence, eh bien, c'est parce qu'au fond, c'est un joujou qu'on vient de leur donner, comme un enfant, ils ne savent pas le maîtriser, enfin, ils s'hypnotisent. Je regrette de vous interrompre, mais je ne crois pas tout de même, puisque en Amérique, où le niveau est bien supérieur au nôtre, n'est-ce pas, eh bien, l'attrait de ces joujoux n'a pas cessé, au contraire. Ah, oui, mais c'est fait avec humour. Dieu merci, il y a les hippies maintenant, il y a la bonne réaction qui arrive. Oui, mais quel pourcentage sur la population, sur 200 millions? Cher monsieur... Au moment des encyclopédistes, ils étaient peu nombreux. Ouais. Les encyclopédistes. Oui. Non, oui, je veux dire, les choses sont toujours pareilles. Non, parce qu'à notre époque, ils seront écrasés par leur civilisation, par leur pays, par leur police. Ouais. Ils seront complètement écrasés, les hippies. Je ne crois pas que la philosophie du LSD et du happening soit beaucoup d'avenir. Quelque chose. Je ne crois pas tellement non plus. Comme libération. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un signe. Voilà. Ça n'aurait pas eu lieu il y a 30 ans. Oui, c'est un signe. Il n'y avait pas de problème, ça n'aurait pas eu lieu il y a 30 ans. Oui, mais ça ne peut pas encore avoir lieu en France. La preuve, malgré les moyens de communication, il y a des mouvements hippies en France qui tombent tout de suite à la mode et à la consommation. Oui. C'est ce qu'il y a de plus drôle, du reste. Oui. Ça devient de la surconsommation, vous comprenez? Seulement, nous voyons que dans les sociétés communistes aussi, il y a une consommation. Oui, parce que les communistes voudraient, c'est consommer. Enfin, c'est ça me semble normal. Le vœu de tous les Russes. Je ne me moque pas du fait que quelqu'un qui a un frigidaire, je trouve ça très bien. Maintenant, Jean Plumienne, il y a un personnage qui revient constamment dans votre livre et il faudrait que vous nous en parliez peut-être. C'est celui du bâtard. Oui. Bah, l'homme de gauche, n'est-ce pas, tel que nous l'avons fabriqué, enfin, dont nous avons fait le portrait robot, en quelque sorte, à partir, comme je vous disais, de cette espèce de collage, n'est-ce pas, que nous avons fait, si l'on cherche sa structure psychologique fondamentale, elle est généralement celle d'un bâtard imaginaire, d'ailleurs, c'est-à-dire d'un personnage qui n'aurait pas de père, n'est-ce pas, qui aurait une mère jouant un rôle de père, et le personnage du bâtard que nous avons inventé, voilà, nous semble assez bien exprimer cette situation. D'ailleurs, Sartre se vante lui-même de sa bâtardise. Oui, ce que j'allais vous dire, vous l'avez inventé, mais il apparaît dans plusieurs œuvres. Oui. Dans La Rhubarbe, dans La Bâtarde. C'est ça. Ce que nous avons, c'est généralisé à partir d'un certain nombre d'œuvres typiques de type Rhubarbe, en effet. Mais si, je veux dire, si on considère que la gauche est toujours progressive, et que la droite est toujours rétrograde, il est normal que tout être progressiste repousse, rejette le père. Je veux dire, pour moi, c'est juste, c'est vrai, mais ça n'est pas forcément une critique. Oui. Non, c'est normal aussi que la personne rétrograde et conservatrice se réfugie sous l'image du père qui le possède. Non, c'est normal. C'est un point de vue très intéressant. Peut-être est-ce déjà une manie de gauche que de vouloir appliquer la psychanalyse à une situation de société. Oui, et puis j'allais vous dire... Ça pourrait tenir lieu d'un énième chapitre de votre livre. La folie psychanalytique chez la gauche. Enfin, reconnaissez que notre psychanalyse reste très souriante et nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Mais enfin, c'est un langage amusant et vif à manipuler, qui donne une sorte d'énergie à ce qu'on dit. Je crois que ce que votre livre a, non pas d'anti-gauche, mais a, non pas de droite, mais votre livre a quelque chose qui n'est pas du tout de gauche, c'est de l'humour, c'est qu'il est drôle. Et l'humour n'est pas de gauche. Ah non, c'est pas que l'humour n'est pas de gauche, ce n'est pas vrai, mais la gauche est sérieuse, comme toutes les religions. Oh, écoutez, ça dépend ce que vous appelez gauche, n'est-ce pas? Je veux bien que la gauche de laquelle a fait partie Jean Plumier ne soit en fait une religion, mais pas la gauche de laquelle vous avez fait partie, ou Walter Levinot, qui consistait à écrire dans des canards et à signer des manifestes. Mais si, c'est une religion. Jean Plumier, alors vous n'êtes pas de mon avis? Moi, je trouve la gauche sérieuse en diable. Oui, je trouve la gauche terriblement sérieuse. Je trouve la gauche sérieuse. Et elle ne l'est pas forcément au niveau du quotidien, c'est-à-dire dans tous les jours. Ah. Mais aussitôt qu'elle prend parti, aussitôt qu'elle écrit, aussitôt qu'elle a une vie publique, mais en ce sens, elle est très française. Vous pouvez voir de grands poètes en France, vous pouvez voir de grands écrivains devenir Premier ministre, Président de la République, membre d'un comité central d'un grand parti, vous ne verrez jamais un humoriste ou quelqu'un qui a le sens de l'humour accéder au moindre poste. Ça n'est pas pensable. C'est pas la même chose dans les pays. Voilà. Le bâtard est triste. Il y a peut-être une différence entre le fait d'être sérieux et de se prendre au sérieux. Oui. Vous savez, c'est Nietzsche, grand personnage, mais Nietzsche a dit un truc très bien. Il a dit que le véritable courage consistait à être capable de savoir que ce qu'on dit est faux, n'est-ce pas? D'admettre la démolition de sa propre pensée et peut-être de la maintenir quand même avec un beau courage. Je cite très inexactement mon Nietzsche, là. Oui. Mais enfin, il dit quelque chose comme ça, quelque part. Et c'est ce que la gauche me semble absolument incapable de faire, n'est-ce pas? Mais si je comprends bien, alors, il y a beaucoup plus de bâtards à notre époque que dans le passé. Le phénomène, je dois dire, a quelque chose quand même de sociologiquement observable. Ma femme se trouve être psychologue et il faut dire que le nombre d'abandons par le père dans les familles d'aujourd'hui est considérable. Abandon sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Le père disparaît complètement, il meurt parfois, ou alors il n'est jamais là, n'est-ce pas? Ça, c'est une situation familiale qui a une sorte de réalité observée par tous les gens, les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues d'aujourd'hui. D'où l'importance de la femme. Alors la femme tend, en l'absence de tout mari, n'est-ce pas, à jouer un rôle androgyne, si vous voulez, et à se transformer en un personnage que l'on connaît aux USA aussi. D'ailleurs, il y a aussi aux USA ce personnage de maîtresse-femme, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, dans les romans de Mary McCarthy. Alors, dans le livre de Jean Plumier, Sartre, c'est aussi le bâtard caractérisé. Ah, tout à fait, qui retourne chez sa mère à de fréquents intervalles, et dont toute la politique est l'expression de cette espèce d'impuissance à être, n'est-ce pas? C'est pourquoi il existe, d'ailleurs, l'existentialisme, n'est-ce pas? Je ne suis pas, j'existe. Comme ça, d'une manière discontinue et chaotique. Oui, Jean Plumier, il est question dans votre livre de structuralisme, parce qu'aussi, quand on est de gauche, on est souvent structuraliste. Ah, on est structuraliste aujourd'hui, oui. Il n'en est pas question dans le livre de Walter Levinot. Non, sauf la conception, c'est du structuralisme à l'envers. J'ai commencé par rassembler les documents et j'en ai fait un roman. Oui. Puisque mon roman a été fait surtout au départ en écrivant à toutes les maisons qui offraient de la documentation publicitaire, vous savez... documentation, boîte postale, numéro un tel, et quand j'ai eu toute ma documentation sur tous les sujets possibles et imaginables, puisque très souvent je ne savais même pas de quoi il s'agissait, j'ai réparti ça par catégorie, et finalement j'ai obtenu la vie moyenne d'un Français, d'après les publicités utilisées. J'ai donc fait du structuralisme, si on veut, à l'envers. Seulement, est-ce que vous n'avez pas pris l'un et l'autre des Français qui sont déjà d'un certain milieu ? Parce qu'au fond, chez vous, Walter Levinot, on a l'impression tout de même que c'est déjà un cadre. Oui, un cadre ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quand même qu'il a un salaire plus important que celui d'un ouvrier. Il y a quand même pas mal d'ouvriers encore à l'heure actuelle. Oui, mais... Alors on ne peut pas l'assimiler à tous les Français. Le problème est de savoir si ce que nous avons dénoncé tous les deux se trouve déjà en germe chez les ouvriers ou pas. Ah, en germe. Mais attendons que ça fleurisse. Parce que ce qui me frappe chez les gens de gauche comme vous, c'est qu'il n'est presque jamais question d'ouvriers. Il en sera question dans le complexe de droite, je dois dire. Oui, ils sont tellement de droite. Je considère la classe ouvrière comme étant de droite dans son ensemble, attachée à des valeurs telles que travail, famille, patrie, sont les valeurs ouvrières sur lesquelles, d'ailleurs, le Parti communiste... Et le désir de s'enrichir, en plus. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un peu vrai. Elle ne demande pas mieux que de s'en sortir de ces... Vous précisez aussi que la classe ouvrière est en train de disparaître, en train de diminuer. Oui, c'est vrai. Dans son système de valeurs traditionnelles, la classe ouvrière est en voie de disparition. Il y aura encore très longtemps des ouvriers, mais ils ne seront plus semblables à ces ouvriers 19e siècle, banlieusards, etc. Une tentation d'embourgeoisement, justement. Bien sûr. Et c'est là que la perfidie de la bourgeoisie... C'est là où la société est une amélioration indéniable, quoi. La preuve, c'est que... Sur le plan matériel. Oui, et puis sur d'autres plans aussi, quand même. Il y a un mélange d'éclat social qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, c'est certain. Moi, je me trompe peut-être, j'ai pris quelqu'un de moyen, c'est-à-dire ni quelqu'un de vraiment riche, ni quelqu'un de vraiment bourgeois, ni quelqu'un de vraiment prolétaire. J'ai voulu prendre quelqu'un de moyen. Bah, chez vous, c'est déjà un petit cadre qui ne devient pas cadre. C'est ça. Mais... Chez Jean Plumienne, ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels, en fait. Ce sont des professeurs comme lui. Voilà, oui. Voilà. Vous n'avez parlé que de gens qui écrivent. Qui écrivent, bien sûr. Nous avons tendance, ça ira de même, à considérer, et ça c'est peut-être un petit peu marxiste encore, à considérer un écrivain donné à un certain moment, dans la mesure où il a un public, où il s'adresse à un public, comme représentatif d'une certaine chose qui est dans l'air, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... Sartre exprime avec beaucoup de talent ce que des milliers de gens vivent et pensent d'une manière plus ou moins claire. Je crois que c'est vrai pour tous les écrivains. Ben oui, de sorte que quand nous épinglons Sartre ou Beauvoir, du même coup, nous atteignons une quantité de monde. Et vous faites de même avec votre cadre moyen, n'est-ce pas, qui est une espèce de type social. Pour reprendre votre expression, vous avez épinglé beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans vos livres, c'est un fait. Mais il y a un aspect négatif, par conséquent. C'est une loi du genre. Un pamphlet est entièrement négatif. Je crois que c'était ce que vous reprochez. Ah oui, moi, ça, je ne vous cache pas. Ce livre, Le complexe de gauche, m'a laissé une impression désagréable de satire, parfois un peu gratuite et fortement négative. Ah, mais c'est un effet qu'il cherche indiscutablement à produire. Oui, mais croyez-vous, Jean Plumienne, que le livre de Walter Levinot soit plus positif ? Il me semble, ma foi, très négatif. Ça, je ne m'en rends pas compte. Alors, je le regrette quant au mien, du moins. Vous ne vous en rendez pas compte. Alors, Jean Plumienne, je vais vous dire pourquoi il est négatif. Il est négatif parce que vous refusez un état de choses qui est la société industrielle d'aujourd'hui. Vous la refusez dans son ensemble. Je ne la refuse absolument pas. Je me suis servi de ses propres textes pour décrire le français qu'elle vise. Oui. Puisque lorsque j'ai voulu prendre un français vis-à-vis de l'automobile, j'ai repris les textes que cette société que vous semblez défendre, qui semble vous aller droit au cœur, cette société industrielle. J'aime beaucoup le Je me suis servi des textes dont se sert cette société industrielle pour imposer son produit aux Français. Je ne vois pas en quoi moi j'ai pu prendre parti contre la société industrielle. Je l'ai servi. Oui, non, parce que vous faites passer la personne qui veut normalement avoir sa voiture, son frigidaire, son aspirateur pour un imbécile, parce qu'il écoute les slogans de la société. Si je le fais passer par un imbécile, me servant uniquement des textes qui l'incitent à se servir de voiture, ça n'est pas moi l'imbécile, c'est lui, ou les gens qui ont pondu ces textes. Pourquoi ? Oui, le texte est imbécile, mais pas la personne qui, sur la foi d'un texte, achète une voiture. Ah, dans votre interprétation, si, il serait idiot de croire... Si on peut tellement insister pour vendre les voitures par la forme du cendrier ou par le fait maintenant qu'il y en allume-cigare, et si les gens l'achètent pour l'allume-cigare, je regrette, c'est qu'ils ne sont pas très malins. Remarquez, votre mise en accusation est très drôle, ça je l'ai déjà dit au départ, et je n'enlève rien à ce que j'ai dit. Mais tout de même, je dois dire que le fait d'aimer un gadget ou le fait de vouloir avoir un frigidaire ou un aspirateur ne prouve pas le forcément... Le fait, je regrette, le fait d'acheter ou de se décider sur une voiture qu'il vaut 1 million d'anciens francs, sur le fait qu'elle est, oui ou non, un gadget qui vaut 30 anciens francs, n'est pas un signe d'intelligence. J'ai peut-être tort, je suis peut-être rétrograde en disant cela, mais pour l'instant, vous ne me l'avez pas prouvé. Les publicités de plus en plus se jouent là-dessus, sur une sensibilité idiote, sur un besoin idiot, sur la couleur d'une voiture, sur la couleur d'un frigidaire. On vend de plus en plus sur des raisons extérieures. Et de même, du reste, il faut le dire, qu'en politique... Vous savez, l'intérieur d'un frigidaire, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, la mécanique... Moi aussi, j'achète un frigidaire pour sa forme et pour sa couleur. Les résistances, je m'en fous, ça ne saute jamais, ça marche toujours. Que voulez-vous ? À partir du moment où la société produit autant de choses qu'on en désire, il est bien évident que le choix se porte sur la couleur, la forme. Oui, mais... Et puis on peut pas être intelligent 24 heures sur 24. Non, moi je trouve que ce serait très fatigant. Je vous assure, j'adore être idiot de temps en temps. Ça fatigue. S'intéresser à une couleur. Alors vous semblez quand même attacher une énorme importance à ce qui me paraît ludique, si vous voulez, pour employer un mot dont je reconnais qu'il est à la mode. Mais enfin, de temps en temps, on est bien obligé de... d'avoir des faiblesses comme ça, ludique, c'est, on s'amuse, il y a une part de jeu, une sorte d'enfantillage qui n'est pas sans danger, je le reconnais, mais qu'il me paraît difficile de condamner au nom de l'intelligence. Vous dites, n'est-ce pas, quand on est de droite, on est rétrograde, et à propos du bâtard, vous disiez, les pères sont conservateurs, sont rétrogrades, mais je crois que de nos jours, justement, les pères veulent être très progressistes. C'est pour ça qu'ils ne sont, c'est pour ça qu'ils ne sont plus des pères, c'est pour ça qu'ils n'ont plus que des bâtards pour enfants, c'est évident. Ah mais tant mieux. Moi, je ne suis pas du tout paternaliste. Ah, Cette critique que je fais du... En fait, ce bâtard en question, qu'est-ce que ça veut dire? S'il est tellement contre le père, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à tuer son père symboliquement. C'est ça, en réalité. Il recommence toujours. Il voudrait toujours faire la révolution. Il voudrait toujours recommencer à couper la tête à papa. Le type de droite, lui, c'est le contraire, n'est-ce pas? Il idéalise son père. Vous n'aurez qu'à remarquer, il y a beaucoup de gens de droite dont la plupart des phrases commencent par « mon père par ci, mon père par là ». Ils sont assez rares, ces gens de droite. Ils sont moins répandus que les gens de gauche. Mais enfin, le cas est typique. Je ne sais pas où vous avez vu des gens de droite, mais moi, je n'en ai encore jamais vu. Personne aujourd'hui ne se dit plus de droite. Non, les gens de droite se disent de gauche, d'ailleurs. Les gens de droite, écoutez, ça dépend si vous prenez le mot « droite » au sens, disons, restreint ou au sens général. Au sens restreint, de droite, au sens vraiment strict du terme, effectivement, on les compte. Ça, il faudra entrer dans les définitions politiques. Bien entendu. Entrer un peu loin. Simplement, ce que je voudrais vous demander, c'est pour répondre alors à cet aspect négatif de votre œuvre, qu'est-ce que vous pourriez l'un et l'autre proposer de positif? Moi, ma positivité, je suis d'ailleurs pas un homme malheureux, ni aigri, ni quoi que ce soit. Je pense que nous abordons une société technique et je souhaite qu'on en finisse au plus vite avec cette société technique. Je souhaite que la France devienne un pays moderne. Je reviens de Hollande. J'ai passé quelques jours en Hollande. J'ai trouvé cette Hollande merveilleuse. Enfin, les choses y sont fonctionnelles, marchent bien. Les gens sont beaucoup moins soumis à cette publicité agaçante que vous avez tellement raison de dénoncer. La société industrielle en Hollande, on pourrait en dire autant de la Belgique, des pays scandinaves, et des pays d'ailleurs à tradition protestante, c'est curieux. Dans ces pays, la société industrielle semble une chose acceptée, digérée, et ma foi, tranquille et sans histoire. On peut se garer, le téléphone marche, et quand on tourne le bouton du lavabo, l'eau vient. Ce n'est pas tellement surprenant. Et ils n'ont pas l'air de s'en étonner, de s'en extasier, ils ne baptisent là-dessus aucune espèce de religion. Et je souhaite que la France en arrive à ce stade. Ce que je déplore en France, c'est une arriération qui nous saute aux yeux sans arrêt. Nous sommes ici dans cette maison de l'ORTF qui est une superbe réussite, n'est-ce pas? Alors nous avons comme ça le pont de Tancarville, la maison de l'ORTF, un certain nombre de choses bien réussies, de prototypes. Mais l'énorme masse des choses et des conduites en France reste formidablement arriérée. Je crois qu'il y a encore un grand progrès. Alors, quand la publicité arrive à persuader les gens d'aménager leur maison, d'acheter des costumes en tergale, etc., dans la situation actuelle des choses, tout en reconnaissant parfaitement le ridicule de la dite publicité, eh bien, ma foi, tant mieux. Bon, alors, Walter Levineau, vous, qu'avez-vous à répondre à ça, alors? Ah ben moi je conçois parfaitement qu'on veuille vivre en Hollande, j'y ai passé 6 mois de ma vie, j'espère passer les restants des mois qui me restent à vivre ailleurs. Mais ça c'est un problème totalement personnel. Je ne suis pas du reste un pamphlétaire, je pense que lorsqu'on est pamphlétaire, comme Esquieu Plumienne et La Syrah, on doit avoir derrière sa petite tête une solution de rechange. Moi je suis, pas un humoriste, je suis un ironie, je fais de l'ironie sur quelque chose qui me semble drôle, ironique et avec une certaine tendresse du reste. Vous comprenez, mon livre n'est pas du tout, comme on a l'air de le penser maintenant, une dénonciation de la publicité. J'adore regarder la publicité. Mais je fais de l'ironie sur les problèmes posés par la littérature à grande diffusion et par la publicité. Mais j'ai pas de solution de rechange. Moi, je trouve ça très drôle que ça continue comme ça. Je pourrais faire d'autres livres et ricaner encore, c'est tout. J'ai pas de solution, je suis pas un pamphlétaire. Oui, ça vous permettra de faire d'autres livres. Mais ce que vous souhaiteriez profondément pour le bien général... Vous savez, ce que je souhaiterais pour le bien général... Quoi, le retour à... Absolument au pas. Bon sauvage. Absolument pas. Puis tout à l'heure, vous parliez pas. Des hippies. Ah, mais je disais que c'est fleurs. Intéressant de constater comme... on arrive très rapidement à un point de rupture. Et je donnais comme preuve de ce point de rupture le phénomène hippie aux États-Unis. Sans dire qu'ils avaient raison, sans dire qu'ils avaient tort, vous comprenez ? Je disais qu'il y a un tel point de... C'est quand même délirant de penser, je ne voudrais pas faire du misérabilisme facile, qu'il y ait des millions de gens qui crèvent de faim sur Terre, qui n'est pas une poignée de riz, alors qu'une dame qui est la première à le reconnaître et à dire que c'est une ignominie, sera là à changer de montre depuis un an, parce que la montre, la nouvelle mode, est aux montres à collier ou, je ne sais pas, à ceinture de cuir ou ceci. C'est tout. Oui. Mais nous voyons alors, Walter Levinot et Jean Plumienne, que sous des apparences ironiques et humoristiques, vos livres soulèvent des problèmes très graves et très profonds. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la fonction normale de l'humour. Oui, je pense que l'humoriste doit tout faire sauf apporter une solution. C'est un homme qui fait prendre conscience. Je pense que du reste, Plumienne et La Sierra ont fait énormément prendre conscience sur ce qu'était la gauche intellectuelle, disons. Et non pas la gauche tout court. Mmh. Je rappelle le titre de vos livres, L'éclat et la blancheur de Walter Levinot et Le complexe de gauche de Jean Plumienne et Raymond La Sierra. C'était Les Quatre Vérités de Gilbert Gann, avec aujourd'hui Raymond La Sierra, Jean Plumienne, Walter Levinot. Et enfin pour aujourd'hui, une loi d'une immense importance, mais dont il ne fut sans doute pas fait grande publicité à l'époque. Il fallait faire la différence entre l'information et la publicité, ainsi qu'entre vitesse et précipitation, sans doute. Il faudra tant et tant d'années pour qu'une fois promulguée, cette loi voie paraître ses décrets. Je me sens malheureux, mais je n'y peux rien. Femme que j'aime, c'est ta-ta-ta-ta. Femme que j'aime, mais ce n'est pas toi. Femme que j'aime, c'est ta-ta-ta-ta. Femme que j'aime, mais ce n'est pas toi. Je voudrais te parler, pouvoir t'expliquer, mais aucun mot ne vient. Je me décide et puis je remets. À demain. Femme que j'aime, c'est ta-ta-ta-ta. Femme que j'aime, mais ce n'est pas toi. Femme que j'aime, c'est ta-ta-ta-ta. Femme que j'aime, mais ce n'est pas toi. Est-ce que toi tu prends pour une chanson qui te plaît bien? C'est un aveu tourné à ma façon, mais tu n'y comprends rien. Bye. Voici le magazine Elle et lui, préparé et présenté par Françoise Favier et Denise Alberti. Eh bien, Françoise, un nouveau pas vient d'être franchi qui est très très important pour toutes les femmes et surtout pour tous les couples. Et ce pas, c'est en ce qui concerne le contrôle des naissances en France. La proposition de Monsieur Lucien Neuwirth va être discutée au Parlement et au cours du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a donné son accord, ce qui est en effet une date dans l'évolution de la femme et l'évolution du couple. Et il faut peut-être rappeler les grandes lignes de cette proposition, les articles de la loi de 1920 qui interdisent la vente des produits anticonceptionnels et la propagande faite autour de ces produits seraient abrogés. Les produits contraceptifs pourraient donc être vendus, mais seulement en pharmacie et sur ordonnance médicale. Toutefois, la publicité de caractère commercial resterait interdite et des centres d'information et d'éducation familiale seraient mis en place précisément pour mieux informer le public sur la question. Si cette proposition de loi était adoptée, les couples français pourraient donc recourir ouvertement aux moyens contraceptifs. Mais pour en compenser peut-être les effets démographiques possibles, le gouvernement a décidé d'assortir cette décision d'une politique d'encouragement à la famille, politique qui se concrétiserait sur le plan en particulier des prestations familiales et du logement. Monsieur Lucien Neuwirth a eu la gentillesse de bien vouloir répondre ce matin en direct à nos questions. Allô, monsieur Neuwirth ? Monsieur Neuwirth, nous voudrions savoir, puisque notre magazine est consacré aux problèmes du couple, dans quel esprit moral ou philosophique, sur le plan du couple, vous avez élaboré ce projet de loi qui va, je l'espère, nous l'espérons tous, faire avancer ainsi une certaine promotion, une certaine liberté, une certaine égalité dans les êtres humains. Eh bien, personne n'ignore plus désormais que beaucoup de couples actuellement sont déséquilibrés pour ne pas connaître une vie intime complète et confiante. Et pourtant, entre nous, quoi de plus merveilleux que deux êtres qui peuvent affronter ensemble les combats de la vie et dont, à mon point de vue, le plus bel achèvement est la maternité, à condition que celle-ci soit une maternité voulue, attendue, préparée, une maternité qui ne sera pas redoutée, voire refusée. Et j'espère moi aussi que par le vote de cette loi, qui va intervenir désormais dans quelques semaines, eh bien, les conditions d'existence de millions de couples seront transformées. Enfin, c'est ce que j'espère, parce que actuellement, avec la loi de 1920, il m'apparaît insoutenable de contraindre des malheureuses à l'avortement, voire à la mutilation, en tous les cas au désespoir, et puis, ou quelquefois à la névrose. Il m'apparaît aberrant de laisser des couples se désagréger, se déchirer, alors que maintenant la science, sous le contrôle des médecins d'ailleurs, met à notre portée les possibilités non seulement d'éviter des drames, mais aussi d'assurer l'équilibre et le bonheur de millions de nos compatriotes. Est-ce que vous pensez, monsieur Neuwirth, que sur le plan démographique, cela fera une grosse différence ? Personnellement, je ne le crois pas et beaucoup d'associations féminines partagent cette opinion, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'enfants en moins à cause de ces moyens anticonceptionnels. Non, il va y avoir au départ un léger fléchissement. Si vous voulez, ce ne sont pas des enfants qui seront refusés, mais leur naissance va être au départ différée. C'est cela, il y aura un plan établi dans la famille. Ces naissances seront différées, et puis aussi, il faut tenir compte du grand nombre de malheureuses qui actuellement, en avortant, se mutilent et se rendent stériles, et qui désormais, grâce à la contraception, n'auront plus à arriver à l'avortement et resteront fécondes. Et puis aussi, quand on pense à cette espèce de mode regrettable qui est par exemple la ligature des trompes, que malheureusement trop de femmes demandent après le deuxième enfant, eh bien, cette ligature des trompes les condamne à être désormais stériles et elles pourront s'en dispenser et utiliser la contraception parce que le jour où elles auront envie d'être à nouveau maman, elles pourront l'être. Oui, elles n'auront pas de problème. Elles n'auront pas ces problèmes. Et puis enfin, le gouvernement, je crois, sur nos instances, va améliorer ce qui est fondamental, les conditions de vie des familles et va pratiquer des mesures, disons, natalistes. Plus exactement, je préfère la formule qui consiste à dire des mesures d'accueil à l'enfant. Et c'est cela. Monsieur Neuwirth, je voudrais vous poser une autre question. On a dit que dans la commission qui avait préparé le projet de loi qui porte votre nom, il n'y avait pas de femmes. Pourquoi ? Oh, mais c'est absolument inexact. Au contraire, toutes les femmes qui étaient membres du Parlement à l'époque, c'était le précédent Parlement, appartenaient à ma commission. Et je dois dire qu'il y avait quelque chose de remarquable, c'est qu'un observateur étranger qui ne les aurait pas connus, qui n'aurait pas connu leur appartenance politique, aurait été incapable de discerner entre elles des différences de doctrine quelconque. Oui. Elles se sont attachées, qu'elles appartiennent à la gauche, à la droite, au centre, elles se sont attachées à venir à bout de ce problème, mais alors avec une volonté et un sérieux qui est au contraire digne d'admiration. Et je dois dire que les femmes de l'Assemblée ou celles que nous avons entendues au sein de notre commission et qui ont participé à nos travaux, vraiment nous ont apporté des éléments précieux. Eh bien, Monsieur Neuwirth, je vous remercie beaucoup et j'espère, nous espérons tous d'ailleurs, que les femmes seront de plus en plus nombreuses dans toutes ces commissions puisqu'elles feront entendre leur voix et que ainsi nous ferons des progrès sur ce plan si important et qui a causé jusqu'à présent tant de problèmes. Mais Monsieur Crémieux a une question à vous poser, oui, Monsieur Neuwirth. Oui, Denise Alberti, pardonnez-moi. Bonjour Monsieur Neuwirth. Bonjour. Vous avez raison, il ne s'agissait pas du tout de la commission parlementaire, il s'agissait de la commission qui avait été désignée par le ministre de la Santé. Ah, vous parlez du Haut Comité de la Population. C'est ça, il y avait... La commission désignée par le ministre de la Santé comportait 14 sages, mais il n'y avait pas une seule femme. Ah oui, oui. Alors, vous voyez, en fin de compte, le gouvernement ayant choisi de préférence notre proposition de loi, la part des femmes a été préservée. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Pas du tout, au revoir. Au revoir, monsieur Neuwirth. Eh bien, je crois que sur ce même sujet, Françoise Favier, vous êtes allée rencontrer le docteur Veillalé. Docteur Veillalé, vous êtes la promotrice en France de centres de planning familial. C'est vous qui l'avez créé à une époque où cela n'était pas totalement autorisé par la loi, je crois. Je pense qu'il n'y a jamais eu de choses véritablement non autorisées par la loi. Il y a peut-être des tolérances. Et tout ce qui a été fait en matière de planning familial en France, pas moi-même et mes collaborateurs, a toujours été vraiment dans les limites de la légalité. Et ça, je vous prie de le croire, a toujours été dans l'observance de la légalité la plus complète. Le gouvernement vient de donner son accord à la proposition Neuwirth. Que pensez-vous des possibilités qui sont offertes par ce projet de loi qui devrait passer au Parlement, je crois, vers la fin du mois? Ça, il est certain que la position gouvernementale a une incidence très importante, aussi bien sur la position morale que le gouvernement peut avoir, son appréciation sur la régulation des naissances, que sur ses modalités d'application à propos de la population. Comme vous avez vu, il y a en somme le gouvernement, par l'expression du Haut Comité consultatif de la population et de la famille, a distingué trois aspects principaux, qui seraient d'une part la libéralisation des méthodes de régulation des naissances, la modification des lois restrictives en vigueur sur l'avortement et l'adoption de mesures visant à obtenir une pression sociale favorable au maintien d'un taux de natalité élevé. Autrement dit, le gouvernement a eu l'air de distinguer trois points et je crois effectivement qu'il faut mettre l'accent sur chacun de ces trois points et probablement il y a intérêt à l'heure actuelle à dissocier la question de l'avortement des deux autres questions. Ce qu'a fait le gouvernement. Oui, justement ce que plus récemment le gouvernement vient de faire. Parce que la question de l'avortement, qui certainement devra être étudiée, présente des aspects très complexes qu'il vaut mieux ne pas aborder maintenant. Il vaut mieux commencer par le premier aspect qui est déjà fort important, qui est celui de la libéralisation des méthodes de régulation des naissances et des mesures sociales capables, parallèlement, de favoriser la natalité, puisqu'en somme, le pays, à l'heure actuelle, a besoin de beaucoup d'enfants sur le plan économique et sur le plan social pour son développement. Mais est-ce que l'information ne devrait pas avoir une place très importante dans ce nouveau plan ? Oui, il est certain que l'information est très importante en matière de régulation des naissances. Et il est certain que l'accent va être mis sur l'information, mais je crois qu'il faut distinguer très clairement entre information et publicité. Dans tous les pays du monde, d'ailleurs même également dans les pays anglo-saxons, la publicité en matière contraceptive est interdite aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Par conséquent, je pense qu'il faut maintenir l'interdiction de la publicité parce que, à mon sens, publicité implique une note qui est fausse en matière de régulation des naissances. Publicité, pour moi, cela évoque une réclame pour une machine à laver ou pour une marque de nouilles. Enfin, mais cela évoque l'idée de recette, l'idée de mode d'application pratique uniquement. Or, la régulation des naissances est un problème tellement complexe qui touche à la culture, qui touche à l'éthique morale, qui touche aux mœurs. Par conséquent, on ne peut pas traiter ce problème-là comme on traiterait quelque chose dont l'expression est avant tout une affaire de publicité. Et je pense donc qu'il est important de distinguer les deux et de multiplier l'information, mais alors au niveau des cadres, au niveau de l'école, au niveau de l'université, en somme à l'endroit où sur le plan culturel, la population se développe et a accès à une forme réelle de culture et un développement réel. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement est allé jusque-là? Parce qu'on parle de créer des spécialistes pour informer les familles. C'est très restrictif, cela. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord informer les jeunes? Je pense qu'il ne faut peut-être pas interpréter les mots avec trop de précision à l'heure actuelle. Ce sont plutôt des principes généraux qui sont admis, qui sont soulevés à l'heure actuelle. Je ne suis absolument pas dans le secret des dieux et je ne peux pas du tout vous dire quels sont les projets à venir, je n'en ai aucune idée. Mais à mon avis, lorsqu'on met l'accent sur l'information, c'est certainement de l'information des jeunes qu'il s'agit, parce que ce n'est certainement pas de l'information des vieux. Il s'agit de l'information des couples en âge de procréer. Par conséquent, l'information doit toucher, de toute évidence, les couples jeunes qui sont en voie de constituer leur famille et ceux qui ne sont pas encore constitués mais ont vu de les faire réfléchir à leur future famille et à leurs responsabilités vis-à-vis de la famille et de la société. C'était là le point le plus important, oui, je crois. Par conséquent, il est certain que l'information va avant tout être destinée aux jeunes couples et à la jeunesse qui fait l'avenir. Est-ce que, d'après vous, cette question est un problème d'opinion? Ça a été longtemps un problème d'opinion, malheureusement. Malheureusement, et il a fallu quelquefois la traiter sur le plan de l'opinion. Mais je pense que maintenant, à partir du moment où les milieux politiques et surtout les milieux officiels se sont saisis de la question, je pense que maintenant, ça ne doit plus être un problème d'opinion, même si ça l'est encore pour quelques-uns. Voyez-vous, je crois que ça doit être uniquement une question maintenant d'organisation, peut-être de campagne psychologique, n'est-ce pas? Mais je fais une très grosse différence entre ce que peut être une campagne psychologique menée avec l'aide et grâce à l'étude de psychologues ou de sociologues ou d'économistes, enfin une campagne psychologique bien menée et une campagne d'opinion. Et quelle est d'après vous cette différence? Bien justement, c'est ce que je vous disais, que entre une lutte, entre une campagne d'opinion et une campagne psychologique, par exemple, pour créer la motivation dans les familles à propos de l'espacement souhaité d'enfants, de l'avenue souhaitée des enfants, par exemple, une campagne psychologique tendant à développer chez les jeunes et dans les familles la notion de l'enfant désiré, de l'enfant souhaité. C'est une campagne psychologique, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est une très grande différence avec une campagne d'opinion qui était souvent la manière dont était traitée la question du planning familial jusqu'à ces derniers temps et où on voyait s'affronter des vrais et véritables clans, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. À mon sens, à l'heure actuelle, c'est une période qui révolue, il n'y a plus des pour, il n'y a plus des contre, il y a ceux qui doivent organiser développer un programme de planning familial en France, concurremment d'ailleurs peut-être avec une politique de natalité, l'un n'excluant pas l'autre. ce haut comité de la population et de la famille dont vient de parler le docteur Vaillallet approuve les nouvelles dispositions prises par le gouvernement et préconise aussi l'insertion dans le Code de la santé publique de deux nouveaux chapitres intitulés « Anticonceptionnel et propagande anticonceptionnelle » et également « Avortement thérapeutique ». Je pense que cette prise de position du gouvernement est une première étape, dont la seconde pourrait être une étude sur l'avortement thérapeutique. Et d'autre part, ce haut comité consultatif de la population et de la famille, qui a approuvé la proposition Neuwirth, s'est occupé aussi en particulier de la nécessité d'une éducation sexuelle des enfants. À ce propos, un disque a été édité et si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur ce disque, eh bien écrivez-nous et nous vous donnerons les références. Elle et lui par Françoise Favier, Denise Alberti et Francis Crémieux. Première diffusion sur France Culture le 10 juin 1967. Sonne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus. Samedi et dimanche prochain, dernier rendez-vous avec l'année 1967, bilan de l'actualité internationale, dont la guerre des six jours, vue par François Mauriac et Jean Dutour, mais aussi la crise monétaire et encore et toujours la guerre du Vietnam. I'm in no hurry, I can take my time, oh woman. Ba-ba-la-la-ba-ba-la-la. I'm going red and my tongue's getting tired. Tongue's getting tired. C'était 1967, une émission de Philippe Garby, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassant, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. Bye.